L'Istituto Geografico De Agostini presenta Il francese per te. Deuxième niveau. Unité 67. Prise de parole. 10 divisé par 2. Vous allez écouter et répéter quelques phrases concernant l'arithmétique. Je n'ai jamais été très doué pour l'arithmétique. Je préfère la géométrie, ou la physique et la chimie, ce sont des matières plus concrètes. Moi non plus. Je n'ai jamais été bon en calcul. Je n'ai pas la bosse des maths. Tu veux faire cette opération, s'il te plaît? Mais c'est une addition trop longue, et moi je ne sais pas calculer de tête. Donne-moi un morceau de papier. Il faut que je calcule le total de mes dépenses. Tu veux m'aider à faire la somme de tous ces totaux? Attends une minute. Je vais prendre ma machine à calculer. Ça ira plus vite. Ce serait tellement plus simple si j'avais une machine à calculer pour faire toutes ces soustractions, ces multiplications et ces divisions. 1 plus 1 égale 2. 2 moins 1 égale 1. Ce serait tellement beau si tout était aussi clair dans la vie. Il faut que nous soustrayions toutes ces dépenses de la somme dont nous disposions ce matin. Sinon, on ne va plus s'y retrouver. Tu ne peux pas multiplier ces chiffres si tu ne connais pas les tables de multiplication par cœur. Mais j'ai une machine à calculer, maman. C'est ça le progrès. 2 fois 2 égale 4. On peut dire aussi 2 multiplié par 2 égale 4. C'est la même chose. 10 divisé par 2? 10 divisé par 2 égale 5, papa. C'est exact. Attention, votre calcul est erroné. Il faut que vous vous habituiez à calculer de tête. C'est important dans votre métier. Prise de parole. Type de polygone. Voici maintenant quelques phrases concernant la géométrie. Vous allez donc les écouter et les répéter lentement. J'aime bien résoudre les problèmes de géométrie. Calculer les surfaces, les circonférences, les périmètres. Moi, je préfère les mots croisés. Qu'est-ce que c'est cette figure géométrique? Un carré. Et celle-ci? Un cercle. Celle-là? Un rectangle. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Un triangle, un losange et un trapèze. Vous voyez, l'opération chirurgicale a bien réussi. Je peux vous assurer que dans quelques mois, non seulement vous pourrez distinguer toutes les formes sans problème, mais votre vue sera parfaite, comme avant votre accident. Il y a plusieurs types de polygones. Tu veux m'en citer quelques-uns? Le pentagone, qui a 5 côtés. L'hexagone, qui en a 6. L'octogone, qui en a 8. Dessine-moi une figure pentagonale. Oui, une figure hexagonale maintenant. Ça va. Une autre octogonale. Mais c'est très bien. Et vous, vous appelez ça de la sculpture. C'est sphère, c'est cylindre, c'est cube, c'est cône. Moi, j'appelle ça de la géométrie. Et si pour vous, la géométrie, c'est de l'art, alors c'est une autre histoire. Il faut que nous résolvions maintenant un problème très important. Lequel? Comment calcule-t-on la circonférence d'un cercle? Il ne suffit pas que tu connaisses par cœur toutes les règles de la géométrie. Il faut aussi que tu résolves les problèmes qu'elle pose, c'est-à-dire que tu saches les utiliser. Je préfère les tables carrées plutôt que rondes ou rectangulaires. Elles prennent moins de place. Est-ce que tu savais que toutes les pyramides égyptiennes ont une base carrée? Non, je croyais qu'elle était triangulaire. Prise de parole. La pierre philosophale. Vous allez répéter les phrases suivantes sur la physique et la chimie. L'attraction terrestre, les lois de la pesanteur, ce sont les phénomènes auxquels s'intéresse la physique. Oui, et cela permet aux physiciens de calculer la masse et la densité des corps. J'adore visiter les laboratoires des chimistes avec toutes les éprouvettes, les alambics et les cornues. J'ai l'impression de changer de monde, de vivre à l'époque où les alchimistes inventaient de mystérieuses formules parce qu'ils voulaient découvrir l'élixir de longue vie et aussi la fameuse pierre philosophale qui leur aurait permis d'effectuer la transmutation des métaux en or. Mon père s'enfermait dans son laboratoire vers 8 heures, ainsi qu'il le faisait tous les matins. Il était toujours le premier à travailler, de même qu'il s'en allait après tout le monde. Voici mon nouveau laboratoire. Il vous plaît? Oh oui, tel qu'il est, il est encore plus beau que le précédent. Ce physicien est intelligent comme était intelligent son père. Tu veux dire qu'il est aussi intelligent que l'était son père? Je ne suis pas d'accord. Pour moi, il est bien plus intelligent que ne l'était son père. Tu as autant envie d'étudier ta leçon de physique que j'ai envie d'étudier ma leçon de chimie. Et si on allait au cinéma pour se changer les idées? L'intelligence de ce chimiste est moins grande que ne l'était celle de son prédécesseur. Il n'y a aucun doute. L'alchimiste était d'autant plus inquiet que le liquide de l'alambic devenait plus rouge et plus épais. Et il pâlissait à mesure qu'il bouillonnait. Prise de parole. 201 kilos. Vous allez écouter et répéter quelques phrases sur les diverses unités de mesure. Quelles sont les dimensions de cette armoire, s'il vous plaît? Alors, elle mesure 2 mètres de hauteur, 2,20 mètres de longueur et 50 cm de profondeur. Et la largeur de cette table? Elle mesure, attendez, 1 mètre, 1 mètre et 15 centimètres. J'ai acheté une villa sur la Côte d'Azur. Sur la mer? Presque, à 6 kilomètres de la mer. Le décimètre, c'est la 10e partie d'un mètre. Le millimètre, donc... La 1000e partie. Ce meuble doit être très lourd. Quel est son poids? Il doit peser environ 200 kilos. Exactement, 201 kilos. Qu'est-ce qu'un décigramme? C'est la 10e partie d'un gramme. Et un centigramme? La 100e partie. Et un milligramme, la 1000e partie. Quelle est la capacité de cette bouteille? Elle contient 1 litre de vin. Est-ce que vous vendez aussi des récipients gradués en décilitres, en centilitres et en millilitres? Bien sûr, en verre ou en plastique. Quelle température fait-il ce matin? Le thermomètre marque 10 degrés. Il commence à faire froid. Pierre, c'est mon cousin au premier degré. Si le degré d'alcool de ce vin est trop élevé, je préfère ne pas en boire. C'est moi qui conduis ce soir. Oh, mais c'est une brûlure du 3e degré, ça. Il doit souffrir énormément. Il reste encore 34 kilomètres avant d'arriver à Paris. Tu vois, ce sont toujours les premiers kilomètres qui sont les plus longs. Après, le temps passe plus vite. Il y a 21 bouteilles, donc 21 litres de vin. Il y a même une bouteille achetée en 1715. En 1715? Mais c'est impossible! Écoute, ce n'est pas une petite affaire. Voici maintenant quelques expressions imagées. Je deviendrai le chimiste le plus important de notre époque. Et les formules que j'inventerai changeront le monde. Toi, au moins, tu vois grand. Mais c'est un véritable laboratoire de chimie, avec les éprouvettes, les cornues et les alambics. Je croyais que la chimie n'était pour toi qu'un passe-temps. Mais je vois que tu fais les choses en grand. Fais attention quand même à ne pas faire exploser l'appartement avec tes expériences. Je n'ai aucun secret pour personne, moi. Et j'exposerai le résultat de toutes mes expériences au grand jour. Tu sais, l'alchimie, ce n'est pas une petite affaire. Et puis, c'est ce qu'on appelle une science occulte. Il faut être initié. On ne peut pas devenir alchimiste comme ça, du jour au lendemain. J'aimerais en savoir plus long sur les mystères de l'alchimie, pas toi? Ça doit être très intéressant, en effet. Alain a terminé ses études de chimie? Je ne sais pas, il n'en parle jamais. Mais son silence en dit long sur un éventuel échec. Regardez, le liquide va maintenant se solidifier dans la cornue. Vous allez voir, ce ne sera pas long. On dit qu'au plus profond de la jungle, il y a une tribu qui a l'habitude de pratiquer des rites magiques très étranges qui défient les lois de la physique. Au plus profond de lui-même, il a toujours été passionné par les sciences occultes. Il possède des dizaines et des dizaines de livres sur l'alchimie. Pour moi, il va mal finir. Conversation. La bosse des maths. Je n'ai aucune intention de passer toute ma vie à faire des opérations, moi, monsieur. Personne ne vous l'a jamais demandé. J'aimerais simplement que vous soyez capable d'effectuer une addition, une soustraction ou une multiplication de têtes. C'est une chose très importante. Je ne vois pas pourquoi. De nos jours, tout le monde utilise les machines à calculer ou les ordinateurs. Et si vos belles machines tombent en panne, qu'est-ce que vous faites? Ça n'arrive presque jamais. J'aimerais que vous compreniez, vous et vos jeunes amis, que nous avons un cerveau et que notre cerveau est à l'intérieur de notre tête et non pas à l'intérieur d'une machine. Il faut donc l'utiliser, ce cerveau, le faire marcher, l'entraîner et en développer toutes les ressources. En faisant des divisions et des multiplications. C'est un exercice comme un autre. Mais je n'ai aucune mémoire. Je n'arrive pas à apprendre par cœur les tables de multiplication. La mémoire aussi, il faut l'exercer. Je préfère apprendre par cœur des poésies. Je n'y peux rien, je n'ai pas la bosse des maths, moi. La bosse des maths. La bosse des maths. Mais c'est une invention, ça n'existe pas. Alors, comment expliquez-vous que je n'ai aucune difficulté à passer des heures et des heures sur un livre de littérature ou même de philosophie? Quand je prends un livre de mathématiques, je vous assure que je n'arrive pas à me concentrer. Et pourtant, il n'y a pas une grande différence entre les mots et les chiffres. C'est vrai, c'est la même chose. Les mots et les chiffres? Bien sûr. C'est une question d'équilibre entre un terme et un autre, de symétrie, de mesure. La seule véritable différence, c'est que l'arithmétique ou les mathématiques, ce sont des sciences exactes. Alors que la littérature, c'est une question de sensibilité et d'émotion. Alors, vous me la faites, cette opération? Je n'ai aucune intention de passer toute ma vie à faire des opérations, moi, monsieur. Personne ne vous l'a jamais demandé. J'aimerais simplement que vous soyez capable d'effectuer une addition, une soustraction ou une multiplication de tête. C'est une chose très importante. Je ne vois pas pourquoi. De nos jours, tout le monde utilise les machines à calculer ou les ordinateurs. Et si vos belles machines tombent en panne, qu'est-ce que vous faites? Ça n'arrive presque jamais. J'aimerais que vous compreniez, vous et vos jeunes amis, que nous avons un cerveau et que notre cerveau est à l'intérieur de notre tête et non pas à l'intérieur d'une machine. Il faut donc l'utiliser, ce cerveau, le faire marcher, l'entraîner et en développer toutes les ressources. En faisant des divisions et des multiplications? C'est un exercice comme un autre. Mais je n'ai aucune mémoire. Je n'arrive pas à apprendre par cœur les tables de multiplication. La mémoire aussi, il faut l'exercer. Je préfère apprendre par cœur des poésies. Je n'y peux rien, je n'ai pas la bosse des maths, moi. La bosse des maths. La bosse des maths. Mais c'est une invention, ça n'existe pas. Alors, comment expliquez-vous que je n'ai aucune difficulté à passer des heures et des heures sur un livre de littérature ou même de philosophie? Quand je prends un livre de mathématiques, je vous assure que je n'arrive pas à me concentrer. Et pourtant, il n'y a pas une grande différence entre les mots et les chiffres. C'est vrai, c'est la même chose. Les mots et les chiffres? Bien sûr, c'est une question d'équilibre entre un terme et un autre, de symétrie, de mesure. La seule véritable différence, c'est que l'arithmétique ou les mathématiques, ce sont des sciences exactes. Alors que la littérature, c'est une question de sensibilité et d'émotion. Alors, vous me la faites, cette opération? un apprenti sorcier. Ça doit être dangereux, la chimie. Évidemment, quand on fait des expériences, il faut prendre quelques précautions avec les produits qu'on utilise. Il faut faire attention à ne pas se brûler, à ne pas toucher certains liquides qui pourraient irriter la peau ou les yeux. Mais la chimie, ce n'est pas dangereux. Je pensais plutôt au risque d'explosion, à certains accidents qu'on ne peut pas prévoir. On peut tout prévoir. La chimie, ça n'a rien à voir avec l'alchimie. Qu'est-ce qu'ils cherchaient, les alchimistes? Certains d'entre eux voulaient découvrir le secret de l'élixir de longue vie. Vous en avez déjà entendu parler. Bien sûr. D'autres essayaient de transformer les métaux en or. Et ils ont réussi. C'est une opération impossible. Pour la science. Parce que vous croyez que la magie puisse accomplir des miracles? La magie, c'est par définition l'art de produire, par des phénomènes occultes, des choses inexplicables. Ça ne peut donc pas exister. C'est un art, oui, comme la peinture ou comme la musique. Une manière de voir le monde, pas d'en changer les lois naturelles. Vous parlez en homme de science. Il y a toujours eu des magiciens ou des sorciers, dans tous les pays et à toutes les époques. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Il y a toujours eu des escrocs, vous voulez dire. Des gens sans scrupules, qui profitaient de la crédulité des hommes. Alors, si j'ai bien compris, pour vous, ce que la science ne peut pas encore expliquer n'existe pas. C'est un peu ça. Je suis un chimiste, pas un apprenti sorcier. Ça doit être dangereux, la chimie. Évidemment, quand on fait des expériences, il faut prendre quelques précautions avec les produits qu'on utilise. Il faut faire attention à ne pas se brûler, à ne pas toucher certains liquides qui pourraient irriter la peau ou les yeux. Mais la chimie, ce n'est pas dangereux. Je pensais plutôt au risque d'explosion, à certains accidents qu'on ne peut pas prévoir. On peut tout prévoir. La chimie, ça n'a rien à voir avec l'alchimie. Qu'est-ce qu'ils cherchaient, les alchimistes? Certains d'entre eux voulaient découvrir le secret de l'élixir de longue vie. Vous en avez déjà entendu parler? Bien sûr. D'autres essayaient de transformer les métaux en or. Et ils ont réussi? C'est une opération impossible. Pour la science? Parce que vous croyez que la magie puisse accomplir des miracles? La magie, c'est par définition l'art de produire, par des phénomènes occultes, des choses inexplicables. Ça ne peut donc pas exister. C'est un art, oui, comme la peinture ou comme la musique. Une manière de voir le monde, pas d'en changer les lois naturelles. Vous parlez en homme de science. Il y a toujours eu des magiciens ou des sorciers, dans tous les pays et à toutes les époques. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Il y a toujours eu des escrocs, vous voulez dire. Des gens sans scrupules qui profitaient de la crédulité des hommes. Alors, si j'ai bien compris, pour vous, ce que la science ne peut pas encore expliquer n'existe pas. C'est un peu ça. Je suis un chimiste, pas un apprenti sorcier. Unité 68. Prise de parole. Papier timbré. Voici maintenant quelques phrases concernant la bureaucratie. Travailler dans l'administration, moi, jamais. Il y a pourtant beaucoup de personnes qui rêvent de devenir fonctionnaires à cause du chômage. Oui, mais je peux t'assurer que le chômage ne fera jamais de moi un bureaucrate, un rond de cuir ou bien un gratte-papier. Tu sais, toi, pourquoi on appelle certains bureaucrates des ronds de cuir? C'est parce qu'autrefois, ils s'asseyaient sur des ronds de cuir, c'est-à-dire de petits coussins. Un gratte-papier, c'est un fonctionnaire, je crois. Oui, c'est quelqu'un qui s'occupe des travaux d'écriture. Vous taperez votre lettre sur papier libre. Ah bon? Je pensais qu'il fallait utiliser le papier ministre ou le papier timbré. Non, ce n'est pas nécessaire, madame. Voici du papier machine et du papier carbone. Vous allez me taper la lettre que je vais vous dicter. Prenez une feuille de papier et du papier buvard. Je voudrais que vous écriviez une lettre pour moi. Où sont les formulaires et les lettres circulaires que j'avais laissées sur mon bureau hier soir? Écoutez, madame, je sais bien que votre temps est précieux, mais sachez que même les bureaucrates peuvent perdre la patience. Je n'y peux rien, monsieur, c'est le règlement. Vous devez remplir ce formulaire aujourd'hui même et ici même. Son travail de gratte-papier l'a rendu fou. Regarde, lui qui était un homme si bien élevé, maintenant il boit à même le goulot et il se couche à même le sol. Si ça continue, je l'accompagne chez un psychiatre. Vous devez refaire cette lettre sur papier ministre, monsieur. Et il en est de même pour vous, madame. Vous devriez le savoir tout de même. Écoutez, monsieur, je suis à même d'écrire cette lettre toute seule. Je n'ai pas besoin de vos conseils. J'ai beaucoup de travail au bureau. Je ne sais pas si je pourrais venir au cinéma avec vous ce soir. Nous t'attendrons tout de même. Prise de parole. À la préfecture. Vous allez écouter les phrases suivantes et vous les répéterez. À quelle heure ouvrent les bureaux de la mairie? À 9h, je crois. Pourquoi? Ma carte d'identité est périmée. Je dois absolument la renouveler. On m'a volé ma carte d'identité. Ce n'est pas grave, allons. Va à la mairie demain matin et on te fera un duplicata. J'ai besoin d'un acte de naissance. À qui dois-je m'adresser? Pour les actes de naissance et les actes de décès, il faut s'adresser au bureau de l'état civil, madame. Troisième porte à gauche. Tu connais un bon notaire? Pourquoi? Tu veux rédiger ton testament? Qu'est-ce que tu racontes? Je dois signer un contrat très important, c'est tout. Tu m'accompagnes à la préfecture de police? Tu as perdu ton passeport? Non, mon permis de conduire. Comment? Tu as passé le permis de conduire il y a un mois et on te l'a retiré ce matin? Qui t'a parlé de ce retrait du permis de conduire? Mais tout le monde est au courant, voyons. Alors, pour les permis de conduire, c'est la première porte à droite. Pour les permis de chasse et de pêche, il faut aller au troisième étage. Et pour ce qui concerne les permis de port d'armes, c'est au fond du couloir. Et pour les permis de construire? La préfecture ne s'occupe pas de ça, monsieur. Adressez-vous à la mairie de votre village. J'ai besoin d'un permis de séjour et d'un permis de travail. Bien, donnez-moi votre passeport, s'il vous plaît. Je vous enverrai votre carte d'identité quand elle sera prête, monsieur. Il faut que vous envoyiez votre acte de naissance à cette adresse, madame. Prise de parole. Montrez patte blanche. Voici quelques phrases concernant la diplomatie. Vous avez élu domicile à l'étranger. Vous dépendez alors du ministère des Affaires étrangères. Pour les affaires purement diplomatiques, il faut s'adresser à l'ambassade de votre pays. Mais je ne pense pas que l'ambassadeur vous recevra. C'est un diplomate qui ne s'occupe que des problèmes extrêmement graves ou très importants. C'est au consulat qu'on vous délivrera le visa dont vous avez besoin, madame. Le consul est absent, monsieur. De toute façon, ce n'est pas lui qui s'occupe des permis de séjour ou de travail. Le corps diplomatique et consulaire s'intéresse avant tout aux problèmes qui relèvent directement des relations internationales et donc de la protection des ressortissants à l'étranger. Et pour mon permis de séjour? Nous allons vous donner l'adresse de la préfecture. Vous irez demain matin avec tous vos papiers. Vous n'avez pas de carte d'identité, monsieur? Je l'ai oublié chez moi. Alors vous ne pouvez pas entrer au consulat si vous ne montrez pas patte blanche. Tous vos papiers sont en règle, excepté le permis de séjour qui est périmé. Attendu les difficultés diplomatiques qui existent entre ces deux pays, je crois qu'un visa sera nécessaire. Étant donné la situation, je vous conseille de renvoyer votre voyage. Vu la loi, vous ne pouvez pas élire domicile dans ce pays sans visa. Alors, les deux timbres ci-joints, vous les collerez sur ces deux enveloppes. J'ai tout vérifié, y compris cette information. Vous lirez tout le livre, les trois dernières pages comprises. Prise de parole. Mon casier judiciaire est chargé. Vous allez écouter et répéter maintenant quelques phrases prononcées à l'intérieur d'un commissariat de police. Vous devez payer une contravention ou bien dénoncer un vol ou une agression? Je suis ici pour dénoncer un vol, monsieur. Vous êtes le commissaire de police? Non, je ne suis qu'un brigadier, mais je peux peut-être vous être utile. Voici le gendarme qui va vous aider à faire le portrait robot de la personne qui vous a agressé. Je crois que le casier judiciaire de la personne dont vous me parlez n'est pas vierge. J'ai même bien l'impression qu'il est très chargé. Nous allons voir. Voici le formulaire que vous devez remplir et sur lequel vous déclinerez vos noms et qualités. Monsieur le commissaire, vous avez qualité pour arrêter cet homme. Oui, mais nous manquons de preuves, madame. Nous ne pouvons rien faire. Vous avez toutes les qualités requises pour devenir un jour ou l'autre un excellent commissaire, jeune homme. Mais il faut encore que vous appreniez à avoir plus de sang-froid. Je dois vous dire, en qualité de commissaire, que je ne suis pas très content de votre travail, messieurs. Un gendarme n'est pas seulement un homme qui doit faire respecter la loi, c'est quelqu'un qui doit aussi et surtout savoir se maîtriser dans toutes les circonstances.